C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Cette semaine, on Mathieu Planchot. Dans Terre Végine, MacGyver serait de retour. Ils vont sûrement créer cette série-là à partir de morceaux de l'ancienne série puis d'un trombone. Dans Merci Science, votre cerveau contiendrait un pétaoctet, soit 10 fois plus que prévu. J'ai hâte que mon cerveau passe au Thunderbolt parce que je le trouve lent ces temps-ci. Et dans le segment Geek Cénix, un Canadien crée un exosquelette qui lui permet de soulever une voiture. Oh, Mathieu Planchot, tout de suite. Et voici donc celui dont le cerveau contient un pétaoctet de choses inutiles. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 1er février 2016, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, le segment Geek CNX et plein d'autres choses, dont de la musique chiptune. Et justement, pour commencer l'émission, on va écouter un petit peu de cette musique inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. On s'en va entendre pour débuter l'émission, l'artiste G-Red, un habitué de l'émission. Et on l'écoute à l'instant avec son extrait Shimmer au Mathieu Planchot tout de suite. Red et Shimmer au Mathieu Planchot. Et maintenant, c'est Television. Television. C'est Télévision Télévision, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr. Depuis les 7 derniers jours, commençons au Canada, où Guy Gendron devient ombudsman de Radio-Canada. Le journaliste sera le nouvel ombudsman des services français de Radio-Canada, a annoncé le diffuseur public. Rédacteur en chef du journal du téléjournal de 22h et de l'émission Les coulisses du pouvoir, Guy Gendron entrera en poste le 8 mars prochain, succédant à Pierre Tourangeau, lui aussi un ancien de la salle des nouvelles de Radio-Canada. Je cite, « Je suis heureux de pouvoir contribuer à l'évolution de l'application des normes journalistiques et à la réflexion sur le travail de journaliste. J'ai appliqué ces mêmes normes dans tous les domaines du journalisme à Radio-Canada pendant plus de 30 ans. Comme ombudsman, je serai le point de jonction entre le citoyen et le radiodiffuseur public et mon rôle sera de jeter un regard impartial sur les contenus d'information de Radio-Canada. » Guy Gendron a notamment été correspondant à l'étranger, parlementaire, journaliste d'enquête et présentateur télé. On l'a vu dans les émissions Enquête, Enjeux, Zone Libre et Tout le monde en parlait. Je suis allé voir évidemment sur Wikipédia pour avoir un petit peu plus de détails sur le mot ombudsman qui veut dire bien des choses. Ça désigne dans de nombreux pays l'équivalent de la fonction de médiateur de la République, de protecteur du citoyen dans les pays francophones, de défenseur du peuple dans les pays hispaniques, de défenseur du citoyen ou encore d'ombudsman parlementaire. Le champ de compétences de l'ombudsman porte sur des différents de type administratif. Dans le secteur public ou privé, le recours à un ombudsman est toujours gratuit, tout comme le recours à un médiateur. Merci Wikipédia. Hein? On reste au Canada. Le CRTC veut s'assurer que les Canadiens aient accès à la programmation locale et communautaire. On en parlait un petit peu de télé communautaire hier et des enjeux en fait de télé locale en général au Canada. Lors de l'instance Parlons Télé, le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a relevé plusieurs enjeux auxquels font face la télé locale et communautaire en cette ère numérique où le contenu et les téléspectateurs migrent de plus en plus vers les services en ligne. Dans ce contexte, le CRTC veut discuter d'approches d'avenir pour s'assurer que l'accès à l'information locale ainsi que la programmation d'accès communautaire soit disponible sur multiples plateformes. Suite au document de travail publié le 12 janvier dernier, le CRTC invite les Canadiens à partager leur point de vue sur la programmation locale et communautaire. Ils ont jusqu'au 3 février pour le faire, donc aujourd'hui même. Le CRTC voudrait discuter du rôle de la programmation locale et communautaire dans les vies des Canadiens. Le forum de discussion sert de plateforme pour répondre, entre autres, aux questions suivantes. Estimez-vous que les événements locaux dans votre région sont suffisamment couverts à la télé, que ce soit en termes de qualité ou de quantité? Sinon, donnez-nous des idées de ce qui pourrait être fait pour améliorer cette couverture. À part la télé locale, quelles autres sources d'informations consultez-vous pour rester informé des événements locaux et pourquoi? Quel genre d'émissions diffusées sur le canal communautaire vous intéresse et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre canal communautaire? Par exemple, les canaux communautaires opérant dans des petits marchés devraient-ils diffuser des nouvelles locales professionnelles pour veiller à ce qu'ils répondent aux divers besoins de leur communauté? La moyenne d'heures d'écoute hebdomadaire d'émissions de nouvelles et d'actualités canadiennes distribuées par les services de télévision canadiens est de près de 23% des heures totales d'écoute dans le marché de langue anglaise et près de 28% dans le marché de langue française. Le pourcentage de ménages canadiens inscrits à un service de télévision par câble, par satellite ou par protocole Internet, ce qu'on appelle IPTV, était de 82% ou 11,6 millions de ménages en 2014. En 2013-14, plus de 150 millions de dollars ont été dépensés pour les canaux communautaires. Encore une fois, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Maintenant, on s'en va aux États-Unis, la guerre des mannequins des années 70 à ABC. La chaîne américaine a commandé le pilote de Model Woman, tiré du roman Model Woman, Eileen Ford and the Business of Beauty de Robert Lacey, sorti en 2015. L'occasion de revenir en série sur la fameuse guerre des mannequins qui a rythmé les années 70. L'intrigue suivra une matriarche peu commode et femme d'affaires à la tête d'une agence de mannequins de renommée internationale, une des premières du genre. Le tout inspiré par la biographie d'Eileen Ford, cofondatrice de l'agence de mannequins Ford Model Management. Helen Childress sera attachée à l'écriture du projet alors que Scarlett Lacey, de la famille royale, la fille de Robert Lacey, a été nommée productrice exécutive. Model Woman s'ajoute à la liste des nouveaux pilotes commandés par ABC qui comprend des sujets politiques, juridiques ou encore des projets consacrés à des super-héros. Timbaland planche sur une série de hip-hop. Ouais, je mentionne rarement ce genre de nom-là, du hip-hop. Left Field Pictures s'est associé au célèbre rappeur et producteur américain Timbaland, ainsi qu'à l'actrice Lala Anthony pour développer une série documentaire autour du hip-hop, croit savoir Variety.com. Cette fiction documentaire se concentrera plus précisément sur FaceTime Agency, une des agences de casting les plus en vogue à New York pour tout ce qui est lié aux clips vidéo hip-hop et donc aux mannequins qui y figurent. Drake, Kanye West ou encore Robin Thicke font partie des clients de l'agence. Aspirants mannequins, DJ et stars des médias sociaux seront au centre de cette œuvre qui plongera le public dans la vie nocturne du hip-hop new-yorkais. C'est pas la première fois que Timbaland est associé à un projet télévisé puisqu'il est en charge de la production musicale pour la série à énorme succès Empire en ce moment. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu en intro, mais MacGyver serait de retour. CBS est en train de plancher sur une relance de la célèbre série des années 80, MacGyver, avec son agent capable de s'extirper des pires situations à l'aide de bandes de gomme à mâcher et autres couteaux suisses. Le protagoniste de cette nouvelle version aurait 10 ans de moins que le personnage initial incarné par Richard Dean Anderson. Le jeune Angus MacGyver se voit recruté par une organisation clandestine afin de résoudre certains problèmes et ainsi prévenir de certains désastres. Selon Deadline.com, la série montrerait comment MacGyver est devenu ce personnage aux astuces inépuisables. Finalement, un prequel, ça se passe avant la série. Derrière la caméra, on retrouverait James Wan, à qui on doit notamment Saw ou Décadence, et Furious 7 ou encore Dangereux 7 en français. Un autre retour, enfin une suite dans ce cas-ci, à la télé pour Training Day par Antoine Fuqua. 15 ans après la sortie de son film Training Day, ou Jour de formation, le réalisateur américain Antoine Fuqua retrouvera son duo de policiers Alonzo Harris et Jake Hoyt au petit écran. Déjà diffuseur de l'adaptation de Limitless, sans limite, CBS se chargera de la programmation. Transformer Training Day en série télé, tel est le pari que ça prête à relever. La chaîne la plus regardée des États-Unis. Sa version cathodique se présentera comme une relance dont l'action se déroulera 15 ans après les événements du long métrage sorti en 2001. CBS est parvenu à reformer le duo Antoine Fuqua-Jerry Bruckheimer. Le premier réalisateur du film tournera l'épisode pilote, tandis que le second assurera la production. Moins probable, en revanche, que la chaîne puisse dégoter les deux stars du long métrage. On se rappelle Denzel Washington, oscarisé pour son rôle d'inspecteur de la lutte anti-drogue corrompue, et Ethan Hawke, nommé pour sa prestation de jeune policier idéaliste. Malgré les bonnes critiques récoltées par Training Day lors de sa sortie, rien ne promet à son adaptation sur petit écran de connaître le même plébiscite, nous dit l'article. Très en vogue actuellement à la télé américaine, les déclinaisons de films connaissent un succès mitigé. CBS garde en mémoire les bonnes codes d'écoute de Limitless, arrivé en septembre dernier, qui flirte avec les 10 millions de téléspectateurs, mais Fox a vu un autre scénario se produire avec l'adaptation de Minority Report ou Rapport minoritaire, annulé en novembre dernier après seulement 10 épisodes, suite à des audiences catastrophiques. Auparavant, d'autres déclinaisons étaient même passées quasiment inaperçues, à l'image de Bad Teacher ou Sale Prof, About a Boy ou Comme un garçon, Taxi Brooklyn ou The Transporter, Le Transporteur. Hein? Pourtant, la tendance ne faiblit pas aux États-Unis. Je trouve intéressant de continuer de les mentionner. L'article, habituellement, je l'aurais coupé bien avant ça, mais je trouve ça intéressant de parler des échecs en ce moment à la télé. Le 31 mars prochain, CBS va lancer une nouvelle version de Rush Hour ou Heure Limite. ABC travaille de son côté sur l'adaptation de Dirty Dancing ou Danse Lascive et My Best Friend's Wedding, le mariage de mon meilleur ami. CW travaille sur The Notebook ou Les pages de notre amour, NBC sur Taken ou L'enlèvement et In the Line of Fire sur la ligne de feu. Fox travaille sur The Exorcist, L'exorciste et Lethal Weapon, L'arme fatale. Le câble semble mieux placé pour réunir public et critique à l'image de FX qui a lancé avec succès en 2014 de Fargo, d'après le film des frères Coen. HBO dévoilera cette année Westworld, une adaptation du long métrage de Michael Crichton avec l'aide de J.J. Abrams à la production et de Anthony Hopkins en tête d'affiche. La chaîne travaille également sur une déclinaison de Shutter Island de Martin Scorsese. Toujours aux États-Unis, la fille d'Ingrid Bergman, Isabella Rossellini, fera partie de la distribution de la série Shut Eye, diffusée sur la plateforme de vidéos sur demande Hulu. Donc, a annoncé Deadline.com, elle retrouverait Jeffrey Donovan de Sicario et Katie Strickland de The Grudge ou encore Rage Meurtria. La série est une sombre comédie qui prend comme théâtre le monde souterrain de Los Angeles, des médiums et du syndicat du crime organisé qui les dirige. L'histoire tourne autour de Charlie Haverford, campé par Donovan. Celui-ci est un membre de l'organisation qui voit sa vision cynique du travail contestée et fait alors l'expérience de vision qui pourrait ou non être réelle. Isabella Rossellini jouera le rôle de Rita, la belle et sadique matriarche du clan Romani. Et toujours sur Internet, la série Gilmore Girls, la grosse nouvelle du moment, va être de retour sur Netflix, c'est maintenant confirmé. L'un des grands succès du début des années 2000 sur une mère trentenaire célibataire et sa fille adolescente va reprendre du service sur le site de streaming Netflix. Qui a indiqué donc que Lauren Graham allait reprendre le rôle-titre de Lorelai Gilmore aux côtés d'Alexis Bledel qui jouait sa fille Rory. Scott Patterson, Kelly Bishop, Sean Gunn et Keiko Ajena qui faisaient aussi partie de l'équipe d'acteurs des quelques 150 épisodes diffusés entre 2000 et 2007 aux États-Unis seront aussi de la partie. La créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, va superviser les nouvelles aventures des Gilmore Girls sur lesquelles Netflix n'a pas donné de détails ni de date de tournage ou de diffusion. Mais d'après le magazine Variety, qui cite des sources sectorielles, les nouveaux épisodes s'assimileront au format d'une mini-série avec 4 épisodes de 90 minutes, alors que la série d'origine avait un format un petit peu plus régulier de 42 minutes par épisode. Donc on va faire des épisodes, si on veut, doubles. Environ. Hein? Ça a du sens, ça? Voilà pour les nouvelles. Pas grand-chose, rien au Québec qui m'intriguait. Parlons des codes d'écoute. C'est la seule chose du Québec qu'on va mentionner aujourd'hui. Top 15 à 6 en rafale, juste pour rire les têtes de Turcs et des Québécois à les meilleurs moments. Hockey, LNH canadien, Primeur TVA, les gags, LOL, Philippe Laprise, Je peux maintenant mourir, La poule aux œufs d'or, Le Dôme, TVA Nouvelle 18h en semaine et Vlog meilleur du web. En 5e, spécial Loopers TVA, en 4e, LOL, en 3e, Le Tricheur, en 3e, En 2e, Ça commence bien l'année et en 1e, Célébration 2016 avec 1 413 000 téléspectateurs. Du côté du Canada anglais, De la 15e à la 6e, Chicago Fire, Limitless, Masterchef Junior, People's Choice Awards, Golden Globes, Red Carpet, Hawaii Five-O, Supergirl, CTV Evening News, Shades of Blue et The Blacklist. En 5e, Blue Bloods. En 4e, NCIS Los Angeles. En 3e, NCIS New Orleans. En 2e, Golden Globe Awards. Et en 1e, c'est The Big Bang Theory avec 4 560 000. Voilà pour Television Television. On était rendu à jouer une autre pièce de chiptune, bien sûr, et allons entendre cette fois-ci I Am Sores avec Bear. MPS de Mathieu Plante Show sur Cifou. La pièce Bear par I Am Sores, fait dans le style d'une chanson folk russe. Voilà. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Commençons par un super calculateur de 200 teraflops pour le projet européen Europa. Le français Boule est maître d'œuvre pour le projet de cluster européen Europa en Allemagne, réunissant plusieurs grandes entreprises, dont IBM et Intel, et visant à fournir une puissance supérieure au pétaflop pour la simulation numérique. 200 000 milliards d'opérations en virgule flottante, c'est ce que représente 200 teraflops, la puissance qu'installera Boule en Allemagne à Jülich, sous forme d'un réseau de supercalculateurs, un cluster utilisant des processeurs Intel Xeon. Cette puissance, bien que phénoménale, n'est pas un record en soi. En France, à Orsay, près de Paris, le CNRS propose, avec l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique, le IDRIS de 207 teraflops. L'installation repose sur un ordinateur IBM BlueJean P, assisté par un ensemble de processeurs Power 6. Aux États-Unis, un laboratoire national travaillant dans le domaine nucléaire à Los Alamos utilise depuis juin 2008 un ordinateur baptisé Roadrunner, donc le grand géocoucou, nous dit-on en français. Je ne savais pas. C'est 6,480 processeurs, 6480 processeurs AMD Opteron et c'est 12960 processeurs Cell. Il atteint 1,7 petaflop. C'est pas un super ordinateur, mais un réseau de serveurs bâti autour de processeurs Intel qui veut installer le centre allemand de recherche qui a lancé en 2007 le projet Europa. L'idée est d'utiliser un cluster composé de processeurs Intel Xeon pour réaliser un super calculateur susceptible d'atteindre le petaflop, soit 1000 teraflops, et destiné aux scientifiques effectuant des travaux de simulation numérique. En plus d'Intel, plusieurs industriels ont été conviés à la réalisation. IBM pour sa technologie System X, Quadratix pour l'interconnexion et Partech, spécialiste des middleware de simulation numérique sur cluster, plein de termes techniques ici. Boule, qui a de l'expérience dans des installations de ce type, s'occupera de la mise en œuvre et fournira également ses propres serveurs qui travailleront de concert avec des modèles LAME de Sun. Évidemment, vous aurez compris que j'ai ouvert un lien de CNX pour commencer la chronique, ce qui va extrêmement bien, mais le reste, ça va être de la science. Ouf! Pour les seniors, les personnes âgées, conduire, c'est bon pour le moral et pour la santé. Hein? Ça, c'est de la science. Continuer à conduire le plus longtemps possible ne permet pas seulement aux personnes âgées de rester indépendantes. Une nouvelle étude américaine montre en effet que les seniors qui conduisent encore sont également en meilleure santé. Une équipe de chercheurs de la Mailman School of Public Health, rattachée à l'Université Columbia de New York, a examiné 16 études précédentes, s'étant penchée sur la santé des conducteurs des deux sexes âgés de 55 ans et plus, puis a comparé ces résultats avec des données provenant de conducteurs actuels. Conclusion, après l'arrêt de la conduite, les seniors voient leur risque de développer des symptômes dépressifs quasiment doublé. La probabilité d'être admis dans une maison de retraite ou un foyer spécialisé est alors multipliée par 5. De même, bien que beaucoup de ces seniors aient arrêté de conduire par suite des déclins de leur capacité physique et cognitive, les résultats de l'étude montrent clairement qu'il n'a fait qu'empirer après leur abandon du volant. L'arrêt de la conduite a également provoqué une réduction de 51% de la taille des cercles sociaux, les femmes connaissant une baisse plus forte dans ce domaine que les hommes. Ceci pourrait contribuer à l'aggravation de l'état de santé observé dans les autres domaines. Selon l'Association américaine de l'automobile, le AAA, l'équivalent du CAA, les seniors sont parmi les conducteurs les plus sûrs et leur risque d'accident est moindre car ils portent plus facilement leur ceinture, respectent mieux les limitations de vitesse et sont moins susceptibles de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Cependant, leur fragilité en croissant, les seniors sont naturellement plus enclins à souffrir de blessures graves ou à trouver la mort en cas d'accident. En prenant en compte ce risque accru, l'AAA, le AAA, a lancé en 2003 aux États-Unis un programme spécifique qui s'appelle Lifelong Safe Mobility, destiné à permettre aux seniors de continuer à conduire le plus longtemps et le plus sûrement possible et à rester mobile même après leur arrêt de conduite. Les résultats de l'étude sont publiés dans le Journal of the American Geriatric Society. Maintenant, une bouteille qui transforme l'air en eau potable. Récupérer la condensation de l'humidité contenue dans l'air pour remplir une bouteille d'eau, telle est l'idée de Christophe Rétessard, un designer autrichien qui a développé un prototype qu'il voit comme une solution pouvant servir dans les pays où l'accès à l'eau potable est difficile. Dans Seul sur Mars, hein, le dernier film de Ridley Scott, vous souvenez peut-être comment Matt Damon réussit à récupérer de l'eau sous l'effet de la condensation. Eh bien, vous allez bientôt pouvoir réaliser à peu près la même chose chez vous, hein, grâce à la bouteille Fontus du designer industriel autrichien Christophe Rétessard. Le designer a imaginé deux versions de ces bouteilles étonnantes qui sont reliées à des petits panneaux solaires. La première est pour la randonnée, l'autre pour le vélo. Rétessard a expliqué à Life Science qu'elles peuvent créer de l'eau tout simplement en récupérant autour de vous la condensation de l'humidité qui est contenue dans l'air. Celle-ci fonctionne grâce à un condensateur connecté à une série de petites dents hydrophobiques qui repoussent l'eau dans la bouteille. Ces bouteilles, selon le designer, pourraient sauver des vies dans les pays qui n'offrent pas un accès facile à l'eau, dans les bonnes conditions climatologiques entre 30 et 40 degrés Celsius et avec une humidité de 80 à 90%. Fontus pourrait récupérer jusqu'à 0,47 litres par heure. Pour Rétessard, le prototype n'est pas encore exempt de défauts. Il peut filtrer les gros contaminants comme les insectes et la poussière, mais a un peu plus de mal avec les petits comme les sédiments. Un problème que le designer compte résoudre en installant un filtre carbone, comme dans les Brita finalement. Quand le prototype sera fonctionnel, Rétessard espère le commercialiser grâce à une campagne de crowdfunding. J'adore ça, c'est super cool. Il faut attendre longtemps avant d'avoir de l'eau, mais quand même, quand t'as pas d'eau du tout, hein? Qu'est-ce que t'as d'autre à faire qu'à d'attendre, hein? Votre cerveau contiendrait un pétaoctet. Je le mentionnais en intro, c'est 10 fois plus que prévu. Chaque liaison entre deux neurones stockerait l'équivalent de 4,7 bits, beaucoup plus que ce qu'on pensait jusqu'ici. À l'échelle d'un cerveau humain, le total correspondrait à quelque chose comme un pétaoctet, soit 1000 teraoctets. 1000 teraoctets, c'est beaucoup, parce que 1 teraoctet, c'est environ 1000 gigaoctets, qui est environ 1000 mégaoctets. Et là, bon, si vous ne comprenez pas jusque-là, vous ne comprendrez jamais. Hein. Donc, c'est au moins ça, au moins 10 fois, ajoutent des chercheurs qui ont fait une incroyable découverte en analysant un petit volume de cerveau de rat par une technique de microscopie électronique en 3D et à l'aide de modèles. Conclusion, les synapses sont plus efficaces que prévu. Quelle quantité d'informations peut stocker le cerveau donc? La question est ardue car cet assemblage de quelques 100 milliards de neurones chez un être humain est loin de fonctionner comme un ordinateur. Cependant, une équipe de l'Institut Salk à San Diego en Californie a apporté un élément de réponse en analysant les cerveaux de rats. Dans la région de l'hippocampe, une zone impliquée dans la mémoire, par exemple pour celle des lieux connus, dans les cellules de positionnement et les cellules de grille, dont la découverte a été récompensée par le prix Nobel de médecine en 2014. Ils ont fait appel à une technique de reconstitution en 3D de coupes observées en microscopie électronique à balayage. À l'aide d'un ordinateur nourri avec un modèle, ils ont ainsi reconstruit un petit volume presque cubique de 6 microns de côté et ont étudié de très près les synapses, c'est-à-dire les points de contact entre deux neurones, car c'est là que tout se joue. Petit plongeon dans le cerveau en action, donc chaque neurone est connecté à des milliers d'autres par des synapses, des liaisons à sens unique, de l'axone de l'un, une sorte de câble qui envoie l'information à une dendrite de l'autre qui la reçoit sur l'un de ses nombreux diverticules, ça c'est des épines dendritiques. Ce sont elles qui portent les synapses, sortes de sacs emplis de molécules, qu'on appelle les neuromédiateurs. Intermédiaires chimiques qui transmettent le signal nerveux de nature électrique. Deux neurones peuvent être en contact ou non, c'est ce qu'on appelle une information binaire, mais mieux, lorsqu'ils le sont, ils peuvent l'être plus ou moins. Une synapse est en effet plus ou moins puissante. C'est ainsi qu'est codée l'information dans le cerveau. À force d'apprentissage, telle liaison se renforce alors que telle autre s'affaiblit. Sa force peut s'estimer à son volume qui vient de la quantité de neuromédiateurs et de la surface de contact. Il existe un rapport qu'on appelle le rapport 60 entre la synapse la plus faible connue et la plus forte. Entre les deux, les neurobiologistes, faute de connaissances plus précises en ce moment, distinguaient deux ou trois niveaux de force possibles. L'équipe de Thomas Bartol Jr. vient bousculer ce schéma et leur article paru dans la revue eLife, qui est librement accessible sur assemblagerequis.com, fera sans doute date. Leur découverte vient d'une observation. Il arrive dans 10% des cas qu'un axone se connecte deux fois, voire plus, à un même dendrite. C'est féminin. Les têtes enflées des épines dendritiques semblaient alors identiques, mais ne l'étaient pas. Des différences de 8% seulement ont été repérées et retrouvées entre les autres synapses du petit cube d'hippocampe. Mais c'est pas un détail. Au sein de ce spectre de 60, entre la plus faible et la plus forte, les synapses peuvent adopter 26 niveaux différents et non pas 2 ou 3, ce qui constitue un stockage d'informations beaucoup plus efficace. Converti en binaire, c'est-à-dire en base 2, permettant la comparaison avec l'informatique. Il faut quand même se mettre au niveau de l'informatique. Ces 26 niveaux-là correspondent à environ 4,7 bits, puisque 2 à la puissance 4,7, ça vaut à peu près 26. Jusqu'ici, on estimait à 1 ou 2 bits la quantité d'informations contenues dans une seule synapse. C'est ce qui fait grimper, étant donné cette formule mathématique-là, pour un cerveau humain, ça conduit donc à 1 pétaoctet, soit 10 à la 15 octets, un minimum, selon les chercheurs, ça pourrait aller en haut de ça. Surtout si on donne une image plus complexe de la liaison entre deux neurones, les chercheurs ont aussi pu, à l'aide de leur modèle et des connaissances sur les neuromédiateurs, minuter les échanges entre les deux cellules. Vous pouvez voir les informations sur assemblagerequis.com. Ça reste quand même assez intéressant de savoir, de rabaisser ça, en fait, au niveau stupide des ordinateurs. Maintenant, on parle d'impression 3D qui s'attaque aux objets métalliques microscopiques. En adaptant une technologie initialement développée pour la recherche biologique, une équipe de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en Suisse a développé un procédé d'impression 3D pour fabriquer des objets microscopiques en cuivre. Cette innovation pourrait notamment servir dans l'horlogerie pour la fabrication de pièces ainsi que pour la chirurgie endoscopique. Après avoir imprimé la plus petite image couleur au monde, les équipes de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, ETH, en Suisse, font à nouveau la démonstration de leur maîtrise des techniques d'impression microscopique. Et cette fois, c'est un procédé d'impression 3D par électrodéposition, avec lequel il est possible de fabriquer des objets en cuivre dont la taille ne dépasse pas quelques micromètres. La méthode est dérivée d'une technique mise au point à l'ETH en 2009 nommée Fluid FM qui utilise une nanoseringue permettant d'injecter des traitements dans une cellule sans l'endommager. Le système repose sur une micro-pipette montée sur un ressort à lame qui peut être positionné avec une très grande précision et a été adapté pour faire un dépôt électrolytique de métaux liquides sur un substrat conducteur. Le procédé débute par le dépôt d'une gouttelette de liquide sur une plaque en or. La micro-pipette s'insère dans la gouttelette et y injecte lentement une solution de sulfate de cuivre. Une électrode va appliquer une tension entre la gouttelette et le substrat, provoquant une électrolyse qui va solidifier le cuivre sous forme d'un pixel en trois dimensions. L'impression 3D qui est contrôlée par un ordinateur fabrique les objets par déposition de couches successives. La micropipette fait donc office de tête d'impression dont la résolution dépend de la taille de la buse. À l'heure actuelle, la dimension individuelle des pixels en 3D peut varier de 800 nanomètres à plus de 5 micromètres. L'un des intérêts de cette méthode est que le ressort à lame qui soutient la pipette sert à mesurer la force qui s'exerce sur l'extrémité. Ça permet de déterminer les ondes qui ont déjà été imprimées, ce qui est indispensable dans la perspective d'une automatisation de ce type d'impression. Dans l'article scientifique relatant l'innovation publié dans la revue Advanced Materials, les chercheurs exposent plusieurs exemples d'objets microscopiques qu'ils ont réalisés à l'aide de ce procédé-là. Il y a notamment un trio de microspirales imbriquées fabriquées en une seule étape. Par ailleurs, le document indique que le système peut très bien fonctionner avec d'autres métaux que le cuivre et même des polymères et des matériaux composites. La technologie qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet est d'ores et déjà entrée dans une phase commerciale. Cytosurge, l'entreprise issue des travaux de l'ETH sur Fluid FM, a obtenu une licence d'exploitation. Elle compte optimiser le processus afin de pouvoir l'industrialiser en ciblant des marchés comme l'horlogerie, le secteur automobile ou encore les instruments médicaux pour la chirurgie endoscopique. L'une des premières applications envisagées est le prototypage rapide des composants microscopiques. Échange de bons procédés, les scientifiques de l'ETH sont les premiers à disposer des équipements, évidemment, mis au point par Cytosurge. C'est sûr que l'ETH t'héberge, tu leur dis « est-ce que t'as besoin d'aide? » D'après l'étude franco-américaine, les imprimantes 3D rejettent des particules fines dans leur environnement proche qui pourraient être nocives pour les utilisateurs, après avoir parlé justement d'impression 3D. Si les imprimantes ne sont pas encore dans toutes les maisons, leur prix a tout de même sérieusement chuté depuis l'avènement de la technologie qui devient accessible au grand public. L'impact environnemental de ces outils est ainsi devenu un sujet d'étude dont une équipe de chercheurs de l'Institut de technologie de l'Illinois et de l'École des ingénieurs de la ville de Paris se sont emparés. Et d'après eux, les dangers sont réels. Les scientifiques ont mené leurs études sur 5 imprimantes, les FlashForge Creator, Dremel 3D Idea Builder, XYZ Printing DaVinci 1.0, LulzBot Mini et MakerBot Replicator 2X. Ils se sont attachés à effectuer leurs tests sur les consommables spécifiques à ces modèles, de l'ABS au PLA en passant par les autres matériaux un peu plus exotiques également utilisés par certains d'entre eux, comme le nylon semi-transparent. Ils ont alors mesuré les quantités de nanoparticules et de gaz rejetés durant l'impression et le résultat est parfois inquiétant. Caprolactam, un irritant et toxique par inhalation ou absorption à travers la peau, et styrène, qui pourrait être cancérogène pour le Centre international de recherche sur le cancer, sont entre autres rejets présents en quantité non négligeable autour de l'imprimante. Pour limiter les effets nocifs des imprimantes 3D, les chercheurs préconisent l'usage de filtres et de parois qui limiteraient la diffusion dans l'air des composés toxiques. Les téléphones intelligents, pour terminer, sont-ils utiles contre la sédentarité? Les téléphones intelligents pourraient se révéler être des armes utiles dans cette lutte contre la sédentarité, démontre une étude commencée par la Société américaine du cancer. La sédentarité a été associée à différents types de cancers, notamment du sein, des ovaires et de la prostate, et à des problèmes de santé comme l'embonpoint et l'obésité. Les participants à l'étude ont porté un accéléromètre pour quantifier leur activité physique et ont été munis d'un téléphone intelligent pendant 7 jours. Certains participants ont reçu des messages leur rappelant que de longues périodes assises pouvaient être mauvaises pour la santé et les encourageant à bouger plus. Pendant les 7 jours de l'étude, ces sujets ont réduit de 3% leur temps de sédentarité, ce qui correspond à environ 25 minutes d'activité de plus quotidiennement. Près des 2/3 des adultes américains possédaient un téléphone intelligent en 2015 et les conclusions ont été publiées par le Journal of Medical Internet Research. Un article qui ne dit pas grand-chose, honnêtement. Mais c'est ce qui termine Merci Science pour cette semaine. Tout à l'heure, on aura CNX, le segment geek. Mais pour l'instant, sans m'entendre, en chiptune, encore une fois, l'artiste Garvalf. Voici Joy in Sadness. MPS. Le Mathieu Planchot sur C'est fou. We'll be right back. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. La pièce Joy and Sadness par Kervolf au Mathieu Plancho. Et maintenant, c'est le segment Geek Scenix. Scenix, c'est la chronique technologie, informatique et jeux vidéo. Hein? Commençons avec les prochaines montres connectées qui pourraient être pilotées du regard. Plutôt que de tapoter ou de parler à une montre connectée, pourquoi ne pas tout simplement la regarder? Les chercheurs de l'Université de Lancaster au Royaume-Uni ont mis au point une application de détection du regard dont le fonctionnement inédit se distingue des systèmes existants. Elle permet notamment de contrôler la lecture de musique et certaines notifications, de quoi rendre les montres connectées un peu plus simples à utiliser. Bien que les montres connectées soient l'un des gadgets phares du moment, en tout cas, moi j'en vois pas tant que ça, mais tout le monde en parle en tout cas. Elles peinent encore à convaincre de leur utilité. Outre un prix élevé et une autonomie perfectible, un mot qu'on dit rarement, l'une des raisons principales tient à l'ergonomie de l'interface qui se cherche encore un fonctionnement simple et intuitif. Mets ton gros doigt dans l'écran, tu caches pas mal tout le temps. Les modèles actuels tentent de mélanger les contrôles tactiles et vocaux avec des boutons physiques sans pour autant avoir trouvé la formule idéale. Au final, l'utilisation d'une smartwatch passe par un apprentissage indispensable et souvent fastidieux qui éloigne de la simplicité originelle de cet objet. Pour rendre ces toquantes high-tech un peu plus intuitives, l'une des pistes qui n'est pas encore exploitée, c'est la détection du regard, le eye-tracking. Au Royaume-Uni, une équipe de spécialistes de l'Université de Lancaster a développé une application basée sur la détection du regard, nommée Orbitz. Elle permet de piloter le lecteur de musique pour changer le volume, activer la lecture pause, passer un morceau, de consulter le journal des appels manqués ainsi que les notifications émises par les applications. La technologie de détection du regard n'est pas nouvelle. Elle est notamment utilisée en milieu hospitalier pour permettre à des patients intubés de communiquer avec les yeux. On avait aussi parlé dans le passé de solutions développées pour commander un ordinateur Windows du regard. Mais précisons tout de suite que le système de détection du regard utilisé par l'Université de Lancaster n'était pas incorporé dans une montre. Les expérimentations ont été menées à partir de deux configurations, avec une paire de lunettes équipées d'un système de eye-tracking et un module de la société suédoise Tobii relié à un ordinateur. L'intérêt d'Orbitz réside dans son fonctionnement qui s'inspire des mouvements oculaires. En l'occurrence, il s'agit de ce qu'on appelle la poursuite lisse, qui permet de suivre un objet qui se déplace dans un champ visuel. Plutôt que d'obliger l'utilisateur à fixer longuement un élément de l'interface pour déclencher une action, l'application affiche des cibles visuelles de différentes couleurs qui orbitent autour d'un élément, de l'interface. La personne doit suivre brièvement l'une des cibles en mouvement pour actionner la commande correspondante. La spécificité de ce mouvement oculaire qui ne peut être déclenché que par un stimulus extérieur permet à l'Orbitz de fonctionner avec précision tout en limitant les faux positifs. Durant les essais qui ont été réalisés pour évaluer les performances du système, la précision moyenne était de l'ordre de 83% avec un taux de faux positifs de 2,1%. On peut découvrir le fonctionnement de l'application dans une petite vidéo YouTube sur assemblagerequis.com. Afin de pouvoir étoffer la variété des contrôles, les chercheurs de l'Université de Lancaster ont choisi de jouer sur la taille, la vitesse et le sens de circulation des cibles visuelles. Par exemple, Orbitz peut grossir en fonction de l'importance d'une notification. Selon les concepteurs, on parle des cibles de Orbitz, non pas la montre. Selon les concepteurs, le système pourrait servir dans les cas de figure où l'utilisateur a les mains occupées et pas uniquement sur une montre. Effectivement, on peut imaginer que l'application Orbitz soit utile sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, par exemple pour prendre un appel, ouvrir un message ou lancer une application. Mais comme le reconnaissent les auteurs en conclusion de leur article, il ne saurait se suffire à lui-même et viendrait plutôt compléter l'interaction manuelle qui demeure la plus rapide, sans compter qu'il reste encore à intégrer la détection du regard dans les terminaux mobiles, ce qui n'est pas le moindre des défis techniques. La voiture électrique chargée en 15 minutes avec d'astucieuses batteries. La voiture électrique semble faire de plus en plus d'adeptes et pourtant la question de l'autonomie constitue toujours un frein au déploiement de ce type de véhicule. Merci Futura Science pour ce beau gag. Grâce à un projet mené par des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, tout en est même, il sera peut-être bientôt possible de faire le plein d'électricité aussi rapidement que le plein d'essence. Les immatriculations de voitures particulièrement électriques ont progressé de quelques pourcentages. En France, entre autres, on parle de 62% entre 2014 et 2015, selon les chiffres de l'Association pour l'avenir du véhicule électromobile. Pour amplifier davantage l'essor de la voiture électrique, il faudra que celle-ci gagne en autonomie. Partout dans le monde, ingénieurs et chercheurs travaillent à améliorer les performances des batteries et ceux de l'EPFL en Suisse ont choisi de s'intéresser à un autre aspect du problème, celui du temps de charge des batteries. Ils proposent donc, grâce à un système dit de stockage intermédiaire, de charger la batterie d'un véhicule électrique en seulement 15 minutes. Les batteries ont sans conteste déjà fait des progrès de stockage importants. Il y a quelques mois, Elon Musk, le PDG de la société Tesla Motors, grand constructeur de voitures électriques, estimait ainsi que d'ici 2020, l'autonomie de ces véhicules pourrait dépasser les 1000 km. Si pareille promesse pourrait décider bon nombre d'utilisateurs potentiels à franchir le pas, c'est le réseau électrique qui risquerait de ne pas résister. Comment supportera-t-il la charge simultanée de milliers de véhicules? Et bien, c'est la question que se sont posés les chercheurs de l'EPFL. Selon eux, l'une des principales difficultés liées aux voitures électriques est le temps de recharge. Pour vous faire une idée de l'ampleur du problème, imaginez qu'il faut environ 1 minute 30 pour faire le plein du réservoir d'une voiture diesel, un plein qui permet ensuite de rouler 1000 km. En 1 minute 30, la charge de la batterie d'une voiture électrique ne lui apporterait pas plus de 6 km d'autonomie. Pour charger plus vite, sur papier, il faudrait augmenter la puissance d'entrée au risque de faire tomber le réseau électrique. Les chercheurs ont inventé donc un système de stockage intermédiaire, de quoi découpler la station de recharge du réseau tout en garantissant une rapidité d'exécution inégalée. Concrètement, ce stockage d'électricité est constitué d'une batterie lithium-fer de la taille d'un conteneur maritime. Cette batterie s'alimente en continu et à petite puissance sur le réseau. Lorsqu'arrive une voiture électrique, c'est de cette batterie-là tampon qu'on prend l'électricité sur le champ et sans avoir à solliciter le réseau au complet, la puissance indispensable à une charge ultra rapide. Le démonstrateur construit par l'équipe de l'EPFL et ses partenaires prend la forme d'une remorque transportant la batterie tampon. Celle-ci se charge sur le réseau basse tension et est capable de fournir dans le quart d'heure les 20 à 30 kW nécessaires à la charge d'une batterie de voiture électrique standard. Selon le coordinateur de l'équipe, il reste encore une belle marge de progression. Avec l'essor du véhicule électrique, toutes nos habitudes risquent de se trouver bouleversées. Par le passé, les pompistes évaluaient la taille de leur citerne en fonction de diverses données. Et bien dans le futur, ils devront peut-être estimer la taille de leur stockage tampon en fonction des statistiques du trafic, de l'estimation du nombre de véhicules électriques, de la capacité de charge des batteries, etc. Les simulations réalisées par les chercheurs montrent ainsi qu'une station qui assurait la recharge rapide de 200 véhicules par jour aurait besoin d'une capacité de stockage intermédiaire de 2,2 MW. C'est le même ordre de grandeur que l'énergie consommée par un foyer en un an. Cependant, en volume, ça correspond seulement à quelques 4 conteneurs maritimes. Maintenant, du béton du futur qui fait fondre la neige. Hein, du bitume qui fait fondre la neige, ce n'est pas de la science-fiction, comme dit, je dirais, 100% des articles du Huffington Post. Dans la section technologie, des chercheurs de l'Université du Nebraska-Lincoln ont créé un béton bitumineux enrobé permettant de rendre les routes plus sûres. Le docteur Chris Stewen, professeur de génie civil, a conçu ce béton qui fait fondre la neige et le givre. Et le mélange est composé de 20% de copeaux d'acier et de particules de carbone qui permet de conduire l'électricité et de faire fondre la neige. Il a déclaré au Huffington Post américain que cette innovation était destinée aux ponts, carrefours, sorties d'autoroute et les lieux qui sont sujets aux accidents. Le mélange de ce béton est sans danger et les piétons est sans danger pour les piétons et pourrait aussi être bénéfique pour l'environnement, selon le professeur, en réduisant la quantité de sel et de produits chimiques utilisés pour lutter contre la neige et le givre sur les routes. Je cite, lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, la résistance électrique dans le béton va produire de la chaleur et se propager à la surface du béton pour faire fondre la neige et la glace. Le béton coûte environ 211 € le mètre cube contre 85 € pour un enrobé classique, 200 €. Évidemment, en dollars canadiens, tout le monde sait que c'est 322,83 $. Hein, je sais ça de même, le calcul mental incroyable. Le béton a déjà été testé sur un pont d'environ 45 mètres près de Lincoln, dans le Nebraska. Le pont a été incrusté de 52 dalles de béton de dégivrage en 2002 et il a fait fondre avec succès la neige et la glace. Maintenant, les chercheurs veulent intégrer ce béton sur le tarmac d'un aéroport. Je cite, à ma grande surprise, ils ne veulent pas l'utiliser sur les pistes, a déclaré le professeur dans un communiqué. Ils préféraient l'utiliser pour sécuriser le chargement et le déchargement des bagages ou encore du carburant. Un Canadien crée un exosquelette qui lui permet de soulever une voiture. James Hobson, un inventeur canadien qui se consacre depuis un an à la création de machines et à la production de contenu YouTube, vient de publier une vidéo mettant en vedette son nouveau joujou, un exosquelette lui permettant de lever une voiture de plus de 2500 livres. Dans une vidéo sur assemblagerequis.com, Hobson utilise son invention pour soulever une Mini Cooper sans avoir l'air de se forcer. L'an dernier, Hobson s'était fait connaître en soulevant une lourde masse grâce à un exosquelette qui aidait le travail de ses biceps, comme elle explique encore une fois la petite vidéo. Cette fois-ci, son invention est utilisée pour décupler la force de ses jambes. Je vous invite à aller voir ça sur assemblagerequis.com. Maintenant, on parle de lampe, une nouvelle interface personne-machine, mais en forme de lampe. Les bureaux virtuels ne datent pas d'hier et il est possible depuis plusieurs années de simuler des espaces de travail n'existant pas vraiment dans la réalité, nous dit Branchez-vous. Une équipe de l'Université de la ville de Constance en Allemagne a développé une technologie qui pourrait bien révolutionner la façon dont on a l'habitude de travailler ensemble. C'est la Huddle Lamp. Ce ne sont pas les méthodologies qui manquent quand il s'agit de brainstorming ou de transmettre des informations sur un sujet ou un document en particulier. Les tableaux interactifs ou les grands écrans tactiles sont parfaits pour explorer et interagir avec des données, mais ils coûtent relativement cher et nécessitent une installation fixe et qui n'offre qu'un affichage unique. Que ce soit dans des observatoires urbains, des bibliothèques publiques, des musées ou encore des expositions, ces écrans sont presque désormais passés de mode avec la généralisation des affichages mobiles. Ces affichages plutôt chers et statiques ne sont guère polyvalents et n'offrent pas la flexibilité requise désormais par des groupes de travail plus mobiles et composites. Même si la Huddle Lamp ne fait pas de lumière malgré son nom, elle offre une toute nouvelle approche plutôt brillante, optimisant les interactions que l'on peut avoir à plusieurs dans un même espace physique. Elle est équipée d'une caméra 3D capable de traquer non seulement les mouvements mais aussi la profondeur de champ telle que la Creative Sense 3D. Cette lampe de bureau nouvelle génération à faible coût ne nécessite aucune installation d'application sur les appareils utilisés, donc grâce à un code QR, elle identifie les tablettes ou téléphones et il est alors possible d'échanger, de partager des documents virtuels sur un même plan de travail. Nécessitant uniquement un logiciel au code source ouvert et gratuit, hébergé sur un serveur Meteor sur la plateforme JavaScript, la Huddle Lamp ouvre la voie à des interactions qui nécessitaient auparavant des configurations souvent pénibles et limitatives. L'utilisation très accessible et intuitive de cette nouvelle interface pourrait trouver rapidement preneur dans les domaines éducatifs et commerciaux, rien tel que pour motiver les enfants à apprendre que les systèmes plus interactifs, comme ce fut le cas dernièrement avec la version éducative de Minecraft, qui est sortie la semaine passée, dont l'article est sorti la semaine passée, je m'excuse, idem pour vendre des produits ou services en proposant à tout propriétaire de téléphone ou tablette de visualiser sur son appareil un espace virtuel sans plus de complications techniques. La logique de l'équipe de concepteurs s'est reposée sur une réflexion toute simple. Avec la prolifération d'appareils mobiles surpuissants, connectés et équipés de dernières technologies disponibles, autant les utiliser plutôt que d'investir dans de coûteuses installations. Chaque utilisateur peut donc utiliser l'appareil qu'il connaît bien et s'approprier plus aisément un contenu partagé et dynamique. Il ne reste plus qu'à trouver la killer app qui permettra à cette technologie, donc gratuite, de faire son chemin. Une visite sur le site officiel de l'université propose de télécharger le logiciel afin de créer vous-même l'application rêvée. Le logiciel peut en effet être innovateur, mais il faudrait lui trouver des applications qui le sont tout autant, nous dit Branchez-vous. Pour l'instant, le Huddle Lamp n'a pas soulevé les passions. Alors, le site web, c'est huddlelamp.org. La DeLorean va être de retour sur le marché en 2017. Hein, ils seront certainement pas équipés d'un convecteur temporel, mais de nouvelles DMC-12 seront bientôt assemblées à l'usine de DeLorean au Texas. L'histoire de la DeLorean est unique en son genre. Avant de connaître une renommée internationale grâce au premier film Back to the Future en 1985, la voiture exotique aux portes futuristes a eu à composer avec une série de problèmes. D'abord, son coût élevé lui provoqua un modeste succès. Alors qu'elle devait être vendue 12 000 $ américains, son prix de vente lors de son lancement a été révisé à 25 000 $US, soit l'équivalent de 65 000 $US en 2014. Et évidemment, avec mon grand calcul savant mental, on se rappelle que 65 000 $américains, c'est... Attention. ça paraît, hein, quand je cherche... Oh boy! Ah, je pense que j'ai oublié le signe de dollar. Ça fait 89 616. Dans mon cerveau, je pense que j'ai oublié de mon... Mettre le signe de pièce dans mon cerveau. Donc, c'est ça. En 2014, c'était l'équivalent de 65 000 $américains. Ensuite, les modèles de la première série comportaient plusieurs problèmes, notamment un alternateur d'une capacité insuffisante pour alimenter l'ensemble des accessoires électroniques, en plus d'un capteur de détection de l'ouverture des portes mal installées qui drainait donc constamment la batterie. Enfin, alors que l'entreprise était en difficulté financière, son fondateur John DeLorean a été arrêté et accusé d'avoir tenté de sauver celle-ci en vendant de la cocaïne. Bien qu'il ait été reconnu non coupable, quelqu'un aurait supposément comploté contre lui, selon le jury. Le mal était fait et l'entreprise a fait faillite. Nous voici donc en 2016, nous encore une fois branchez-vous, alors que la DeLorean Motor Company, une nouvelle entreprise fondée en 1995 par l'entrepreneur britannique Stephen Wynn, qui a récupéré au passage les propriétés intellectuelles du fabricant original, se spécialisait dans la rénovation de vieilles DMC-12. L'entreprise pourra dorénavant fabriquer de nouvelles voitures de A à Z. Selon la chaîne KRPC 2 du réseau NBC, c'est un changement lié à une loi fédérale qui permet dorénavant à l'entreprise de lancer cette production limitée. Wynn estime que son entreprise a suffisamment de pièces pour assembler environ 300 voitures, alors que les modèles réusinés se vendent de 45 000 à 55 000 $américains. DeLorean espère pouvoir fixer le prix de sa nouvelle génération de voitures sous la barre des 100 000 $US. Le prix sera en fonction du moteur moderne qui intégrera les nouveaux modèles. En tout cas, on s'en fout. DeLorean souhaite être en mesure de vendre la première voiture de cette nouvelle série limitée au début de 2017. Bientôt, vous allez pouvoir retirer de l'argent avec votre téléphone cellulaire de guichet automatique. Oui, aller à la banque, à la caisse va être encore plus facile, en tout cas pour commencer aux États-Unis. Chez JP Morgan Chase, on va commencer à avoir de nouveaux guichets automatiques dans les branches de ces banques partout au pays. Et ça va donner aux clients l'option de retirer de l'argent avec leur téléphone cellulaire à la place d'une carte de banque. La première vague de ces machines va permettre aux clients d'entrer un code dans leur application Chase sur leur téléphone pour pouvoir accéder à la machine. Les futures itérations vont permettre aux clients de simplement taper sur leur appareil iOS ou Android, donc à un champ de communication par champ rapproché, le Near Field Communication. NFC de leur guichet automatique eATM, comme un ATM mais électronique, comme si un ATM n'était pas déjà électronique. Ça doit être autre chose, eATM. J'espère que c'est que la lettre E veut dire autre chose. En tout cas. Bref. Donc, comme on peut le faire déjà avec Apple Pay, Samsung Pay et d'autres trucs comme ça, on peut passer le téléphone sur la machine avec juste la face, le derrière du téléphone. Et ça va fonctionner avec les guichets aussi. Donc, ces nouveaux guichets haute technologie vont aussi donner des billets de votre sélection entre 1$, 5$, 20$ et 100$ à la place d'avoir tout le temps à retirer des 20$. Ils vont avoir une limite plus élevée à 3000$. Les machines Chase Quick Cash Machines situées à l'extérieur des branches de la banque vont aussi être mises à jour avec la technologie pour téléphone intelligent, mais ça va rester à la limite d'aujourd'hui, donc 1000$ à New York et 500$ presque partout ailleurs aux États-Unis. Les nouveaux eATMs font partie de l'effort de JP Morgan Chase pour essayer d'intégrer les téléphones cellulaires et les banques numériques, le système de banking numérique, voilà, avec leurs branches physiques. Ces machines-là qui vont amener plus d'options, par exemple encaisser des chèques et payer une carte de crédit Chase et une hypothèque peut-être même avec ces nouveaux guichets automatiques. Parlant de crédit, de débit, de banque, on n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté de cet homme, ce sans-abri de Détroit qui accepte aussi les cartes de crédit. Un itinérant très moderne, si vous n'avez pas de monnaie, accepte les cartes de crédit. Il vit à Détroit aux États-Unis, c'est un volontaire engagé auprès des sans-abri de la ville qui a découvert son astuce. alors qu'il s'était organisé avec un petit groupe de SDF pour mendier 24 heures sur 24 en organisant des tours de garde. Celui qui aime qu'on le surnomme Abe a commencé à réfléchir à la façon dont les gens pouvaient effectuer des dons directement auprès de lui et de ses amis sans passer par les associations. Et bien sur le site square.com, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire si vous voulez. Il a trouvé le moyen de transformer un téléphone intelligent en lecteur de carte de crédit de manière sécurisée. C'est un petit bidule que tu branches dans le port écouteur, là, tu passes ta carte de crédit dessus, puis tout le monde peut se faire ça, les petits commerces très bien gros là-dessus. Abe a dû payer 10$ à Square, qui prend aussi une commission par transaction. Il accepte Visa, Mastercard, American Express, et les passants disent ne pas avoir de pièces sur eux. Ils peuvent donc se faire dire par ce gars-là « Ah, mais je prends la carte de crédit aussi! » Le cinéma a investi le foyer plus que jamais. LG s'apprêterait effectivement à produire des écrans véritablement en format dit Cinémascope, qui est parfaitement adapté à la majorité des Blu-ray ultra haute définition 4K full. Hein? Le site internet TFT Central a récemment appris de sources industrielles que LG Display démarrerait prochainement la production de dalles d'écran de nouveau genre. Le numéro 1 mondial de l'affichage fabriquera en effet des dalles au format 2,4 pour 1, d'une définition de 3840 par 1600 pixels. Ce format est encore un peu plus panoramique que le 21 pour 9 qui s'est démocratisé depuis quelques années. Il correspond à ce qu'on appelle le Panavision, du nom de son inventeur, ou le Cinémascope, le format de la quasi-totalité des films à grand spectacle depuis les années 60 et auquel le 7e art a décerné un Oscar en 1954. Donc c'est très large. Plus précisément, le scope est, selon les films, au format 2,35 pour 1, 2,39 pour 1 ou 2,40 pour 1, avec leur définition de 3840 par 1600. Les futurs écrans pourront ainsi afficher des films en Ultra HD, à la fois sans bordure noire et sans mise à l'échelle, donc on n'aura pas à redimensionner l'image ni à la cropper. Un pixel du fichier vidéo est un pixel à l'écran, exactement, ce qui maximise la fidélité et la netteté. Sur les écrans de 21 pour 9, de 3440 par 1440 pixels, les fichiers Full HD devaient être agrandis, recourir à l'upscaling, ce qui n'est pas optimal, ça veut dire convertir en temps réel et montrer ça en meilleure dimension que c'est supposé. En tout cas, c'est super compliqué l'upscaling, allez voir la page Wikipédia. Les premiers écrans 2,4 pour 1 de LG devraient offrir une diagonale de 37,5 pouces ou, à titre de comparaison, la même largeur qu'un écran 16 pour 9 de 40 pouces. Malheureusement, ils seront donc entre deux eaux, entre le moniteur pour ordinateur et la télé grand public pour home, pour le cinéma maison. Chez les Français, ils l'appellent home cinéma. Du moins pour commencer. Ces développements nourrissent, quoi qu'il en soit, une tendance de fond qui consiste à transporter avec une fidélité de plus en plus grande la technique du cinéma chez les particuliers. Définition d'image comme l'Ultra HD, la luminosité, le contraste comme le HDR, la couleur comme le Rec 2020 et bientôt format panoramique. Le cinéma maison n'a presque plus rien à envier aux salles obscures, en fait. Je pense qu'il y a pas mal d'avantages à rester chez vous. Moi qui étais au cinéma hier, pas nécessairement une expérience super plaisante. Google ne compte pas laisser filer le marché de la réalité virtuelle. Le géant plancherait sur un appareil destiné au grand public qui est encore plus évolué que le Google Cardboard, dont vous avez certainement entendu parler depuis les dernières années. La semaine dernière, on parlait sur Internet de Google qui avait créé en interne une nouvelle division spécifiquement chargée d'étudier la réalité virtuelle ainsi que ses diverses possibilités. À la tête de ce département, on retrouve Clay Beaver, autrefois responsable du développement de Gmail, Google Drive et Google Docs. Depuis quelques temps, Google multiplie ses projets sur ce marché. Outre le Cardboard et le Jump VR, Google plancherait sur une version d'Android optimisée pour une expérience en réalité virtuelle et a investi 542 millions de dollars au sein de la société spécialisée en la matière Magic Leap. Mais la firme californienne doit également faire face à la concurrence de Facebook qui détient Oculus ou encore de divers fabricants comme Samsung ou HTC. Si le Cardboard n'est pas onéreux, le Gear VR de Samsung est plus évolué puisqu'il embarque des capteurs et que la technologie ne repose pas entièrement sur le téléphone intelligent. Il en résulte une expérience plus agréable avec moins de latence ou du lag. Google souhaite toutefois aller plus loin encore. Des offres d'emploi ont fait leur apparition et laissent penser que la société souhaite développer ses propres casques VR plus évolués. Initialement repérés par le blog spécialisé Road to VR, ces annonces décrivent un produit qui doit être fabriqué en masse pour le grand public au meilleur prix et dont la conception devra assurer une bonne autonomie et une connaissance poussée des circuits électroniques. Au total, 17 offres d'emploi ont ainsi été publiées depuis la nomination de Clay Beaver et tout porte à croire que l'entreprise planche donc sur un casque VR plus performant que le Cardboard. Pour garder un prix plancher, Google pourrait dévoiler un concurrent du Gear VR et continuer d'étoffer son écosystème d'applications mobiles. On reste chez Google avec le fait divers du moment. C'est Google qui a racheté Google.com pour 12 000 $12,26. Google a récompensé un internaute ayant réussi à brièvement déposer le domaine google.com en fin d'année 2015. Le 29 septembre dernier, Samé Ved, un ancien employé de Google, expliquait avoir réussi à déposer le nom de domaine google.com au travers du bureau d'enregistrement de Google. La transaction s'est déroulée comme pour n'importe quelle procédure classique. Le domaine a été détecté comme disponible. Il a été ajouté au panier et la carte de crédit a été débitée. Le domaine est ensuite apparu au sein des Webmaster Tools. Monsieur Ved explique avoir été en possession du domaine durant environ une minute, une période durant laquelle il a été d'emblée contacté par la société. Peu après, le transfert a été annulé par le service Google Domains. Il fut alors crédité de $12. L'homme n'a jamais souhaité communiquer le montant exact versé par Google pour le rachat du nom de domaine, mais sur son blog dédié à la sécurité, la firme californienne affirme désormais avoir déboursé la somme de $6,613. Si vous connaissez un petit peu le lead speak où on transforme des lettres en chiffres, 6006 et 13, ça fait 600613, donc Google en lead speak, hein. Quand même, c'est sympathique. Eduardo Vela Nava, spécialiste de la sécurité chez Google, précise que la société a ensuite doublé cette somme en apprenant que M. Ved avait pour projet de reverser l'argent à une œuvre caritative, la fondation Art of Living India. Donc voilà pourquoi ils ont doublé la mise. Et un autre petit fait divers qui, moi, me titille, je le trouve bien drôle celui-là. C'est le CERN. Évidemment, le CERN, tout le monde sait que c'est l'Organisation européenne pour la recherche. Hein? Quand même. Ou en anglais, en français, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est comme ce qu'on l'appelle parce que c'était son ancien nom qui était situé en 1952. Bref, ça pour dire que si vous aimez pas les câbles qu'il y a derrière votre bureau, tu sais, le spaghetti, le genre de gros dégâts, de fil en arrière de votre bureau, tout le monde a ça, à moins que vous soyez un petit peu obsessif compulsif puis que vous attachez tout avec des velcro ou des trucs comme ça. Bref, vous êtes chanceux de ne pas être un ingénieur chez le CERN, hein, qui doit absolument enlever ses vieux câbles du Large Hadron Collider avant sa prochaine mise à jour. À travers des années de mise à jour, donc d'upgrade, de maintenance, l'accélérateur de particules est de plus en plus complexe. Il y a maintenant une grosse pile de câbles croisés de façon tellement désorganisée. Il y a une équipe de 60 ingénieurs qui a eu la tâche de trouver quel câble va où et fait quoi avant de pouvoir le débrancher. Sinon, le système pourrait perdre des données ou entrer en mode sans échec et arrêter de fonctionner. Il y en a 9000 câbles et ce sont seulement ceux associés avec le Proton Synchrotron Booster, le PS Booster, le Proton Synchrotron et le Super Proton Synchrotron. Donc le PS Booster, le PS et le SPS. Jusqu'à maintenant, l'équipe a réussi à identifier 2700 sur les 9000 câbles obsolètes qui existent entre les trois instruments. Donc on croit qu'ils vont être capables de trouver les 8000 autres avant que le LHC revienne en ligne, ce qui devrait donc faire qu'on va pouvoir essayer de nouveaux câbles en 2019 et 2020. Allez voir les photos de ces câbles-là sur assemblagerequis.com. Moi qui me trouvais donc paresseux de pas être assez obsessif compulsif pour mettre des rubans velcro. Parce que pourtant, c'est le genre de choses que je ferais. Dans ma tête, je sais que je devrais le faire, mais ça me tente pas de tout débrancher puis de tout brancher. Hein? Vous faites la même chose, avouez-le donc. Voilà pour le segment Geek Select. Il nous reste seulement les jeux vidéo les plus loués en club vidéo. Et depuis la dernière fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire en décembre, on a retrouvé la position numéro 10. On avait un top 10 avec 9 positions la dernière fois qu'on l'a fait, mais on est de retour à la normale. Donc, position numéro 10, Grand Theft Auto 5 sur la PS4. En 9e, le même jeu sur la Xbox One. En 8e, NHL 16 sur la PS4. En 7e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur la PS4. En 6e, Forza Motorsport 6 sur la Xbox One. En 5e, Mario & Luigi Paper Jam sur la 3DS. En 4e, Lego Marvel Avengers sur la PS4. En 3e, Call of Duty Black Ops 3 sur la Xbox One. En 2e, le même jeu sur la PS4. Et en première, c'est Final Fantasy Explorers sur la Nintendo 3DS. Oui, un jeu sur la Nintendo 3DS. Une console portable est au sommet des palmarès de jeux vidéo. Voilà le travail. On retourne en chiptune, on s'en va entendre Mr. Triac avec un extrait qui se nomme I Dream of Melodies. MPS, le Mathieu Planchot sur Sifu. We'll be right back. êtes à Cifou 89.1. I Dream of Melodies par Mr. Triad, que j'ai inversé les deux pièces. Donc, celle avant la pause était The Woodland Lonesome Patrol par Obi-Wan. Voilà. Ils sont juste inversés. Il n'y a pas de problème là-dedans. Maintenant, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition. On n'a pas fait cette chronique depuis le mois de novembre. Oui, début du mois de novembre. Tu sais comment des fois les choses s'étirent et il y a beaucoup de nouvelles. Là, en ce moment, c'est un petit peu vide, donc nous voilà de retour. Et oui, vous me connaissez, rarement vais-je laisser tomber des choses. Donc on va s'en reprendre avec le mois de novembre, ok? On commence par le 9 novembre. En 2004, la fondation Mozilla sortait Firefox 1.0 avec des onglets et un bloqueur de pop-up. C'était la première fois qu'on voyait des onglets dans un logiciel pour aller sur Internet. De nos jours, je sais pas comment je m'en passerais. J'en ai comme 40 ouverts en ce moment, t'sais. Le 10 novembre, Fred Cohen faisait une démonstration, réussit à insérer du code dans une commande Unix pour prendre le contrôle d'un système. Son conseiller académique, Len Adelman, a comparé ce code-là qui se copiait lui-même. Il l'a comparé à un virus. C'est pas le premier code de son genre, mais c'est lui qui a inspiré le nom virus en 1983. Aussi en 1983, au Plaza Hotel de New York, Bill Gates annonçait Windows. À l'origine, ça s'appelait Interface Manager, jusqu'à ce que Roland Hansen réussisse à convaincre Gates de changer le nom. Ça a pris 2 ans avant que Microsoft le mette en vente en magasin. Donc ça, c'était en 1983. En 2001, le premier iPod d'Apple a commencé à être vendu. Les analystes disaient que le prix de 399$ était beaucoup trop élevé et qu'Apple n'avait pas assez d'expérience dans le domaine de l'électronique pour grand public. Faut que ce soit un succès. Hein, les analystes, des fois, faut pas les écouter. Le 11 novembre, ensuite, en 2006, la Sony PlayStation 3 a été vendue pour la première fois avec son lecteur Blu-ray intégré, son disque dur. Hein? En 1930, Albert Einstein, oui, ce Albert Einstein-là, et Leo Szilard ont reçu un brevet américain pour un réfrigérateur qui ne demandait pas d'électricité, seulement une source de chaleur, et Electrolux a acheté les brevets. Ensuite, le 12 novembre, allons-y, en 1990, Tim Berners-Lee a publié une proposition formelle pour un projet d'hypertexte. La proposition faisait référence à une toile de nodes d'information. Implantait aussi des browsers, des furteurs. Le projet est éventuellement devenu le World Wide Web, évidemment. Ensuite, le 13 novembre, en 1983, le MIT TX-Zero, un ordinateur à transistor expérimental, a été ramené à la vie pour la dernière fois au Computer Museum de Marlborough, au Massachusetts. Le 14 novembre... 2000, je l'ai écrit en temps réel, là, je m'excuse, il y a peut-être un petit délai quand même. 2007, voilà, le dernier système de distribution électrique, Direct Current, donc DC, comme dans AC/DC, notre DC, aux États-Unis a été éteint par Con Edison à New York. Ensuite, le 15 novembre, en 1926, la National Broadcasting Company, NBC, donc ouvrait son réseau de radio. Avec 24 stations, c'était une création de RCA, General Electric et Westinghouse. AT&T a aidé le réseau en vendant WEAF à RCA. En 1971, Intel sortait le premier microprocesseur commercial avec une seule chip, une seule puce dessus, le 4004, avec une publicité dans Electronic News. La puce aurait pu être livrée plus tôt. En fait, on croit qu'elle a peut-être été livrée plus tôt à certains clients. Évidemment, en 1971, on n'avait pas encore tous les dossiers qu'on pourrait avoir de nos jours en temps réel. Donc, c'était la première fois qu'on voyait un CPU sur une seule chip. En 2001, Microsoft est entré dans la guerre des consoles de jeux vidéo avec la première Xbox qui s'est vendue en Amérique du Nord. La Microsoft Xbox, donc, affrontait la PlayStation 2 de Sony seulement 3 jours avant la sortie du GameCube de Nintendo. En 2013, la PlayStation 4 de Sony était en vente pour la première fois lors d'un grand événement à New York. Sony a loué le Standard Hotel au grand complet. Ensuite, le 16 novembre, ICANN, en 2000, a annoncé sa décision d'inclure 7 nouveaux top-level domains, des TLD qu'on appelle, donc ça c'est des points quelque chose sur Internet, ça a donné naissance en 2000 à .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name et .pro. Hein? Quand même intéressant, même si j'en ai pas vu beaucoup depuis ce temps-là. Le 17 novembre, l'ordinateur Kenback 1 était en vente, dans Computer World, le magazine, pour $750, après avoir été annoncé pour la première fois dans Scientific American en septembre. L'ordinateur à 8 bits avait 256 bytes de mémoire et on l'appelait le premier ordinateur commercialement disponible à... c'est le premier ordinateur commercialement disponible par un panel d'experts qui a dit ça, donc qui avait, entre autres, parmi ce panel, Steve Wozniak, un des cofondateurs de Apple. Ensuite, le 18 novembre 1883, US et Canadian Railways ont adopté un système standardisé de fuseaux horaires pour remplacer la multitude d'heures locales à travers l'Amérique du Nord. Donc on a appelé ça « The Day of Two Noons », le jour des deux midis, alors que chaque station de chemin de fer était ramenée à l'heure standard à midi, lorsque on y arrivait dans chacune des nouvelles zones horaires, fuseaux horaires nouvellement créés. En 1977, une petite start-up nommée Microsoft, après avoir livré sa propre version de Fortran, a gagné en arbitration la permission de... Attends un peu. Oui, d'avoir sa propre version de BASIC. Oui, le langage BASIC. En 2012, la Nintendo Wii U a été lancée en Amérique du Nord. La console n'avait pas encore son service TVII qui a été retiré depuis, mais demandait un téléchargement de 5 gigs dès le déballage. Ça prenait plus d'une heure à mettre la console à jour lorsqu'on l'achetait. Je l'ai vécu et c'était plate, mais c'est comme ça que ça se passe. En 1928, Steamboat Willie, pour la première fois au Colony Theater de New York City, donc le Colony Theater de Universal, c'est la première fois qu'on montrait un dessin animé avec du son complètement synchronisé au dessin animé. C'est réalisé par Walt Disney et Hub Iwerks. C'est aussi la première apparition officielle de Mickey Mouse. Donc, joyeux anniversaire le 18 novembre 1928. Ensuite, le 19 novembre, Hong Kong TV, la première station de télévision commerciale dans les grandes ondes de Hong Kong a été établie. Donc, aujourd'hui, on les appelle TVB. En 1981, le président des Philippines, Ferdinand Marcos, a banni les jeux vidéo, citant des exemples comme Space Invaders et Asteroid comme un ennemi social destructif, un bandit électrique. En 2006, la Nintendo Wii a été lancée en Amérique du Nord. Et en 1872, Eli Barber de Boston, Massachusetts, a reçu le premier brevet américain pour une machine à additionner, donc capable d'imprimer des totaux et des sous-totaux. Cette machine à calculer n'était pas très pratique à l'époque, en 1872. Le 20 novembre, c'était le SETI Institute, The Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a été fondé par Thomas Pearson et Dr. Jill Tarter. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé l'extraterrestre, mais c'est ce qu'ils veulent faire. C'est donc l'Institut pour la Recherche d'Intelligence Extraterrestre. En 1985, Microsoft sortait la version 1.0 de Windows. On l'a considéré comme pas mal inférieur à ses compétiteurs comme DeskView et le Macintosh à l'époque. Ensuite, allons-y avec le 21 novembre. En 1877, Thomas Edison annonçait l'invention du phonographe, une machine qui pouvait jouer des enregistrements, jouer des sons. Donc, c'était en 1877. Le reste, c'est très technique. Allons-y avec le 22 novembre. C'était le premier film, en 1995, le premier film donc de durée long métrage à avoir été créé entièrement avec des images par ordinateur. Donc, Toy Story a fait plus de 350 millions de dollars au monde. Et ça a fait de Steve Jobs un homme très très heureux. C'est le producteur exécutif du film. En 2005, la Xbox 360 de Microsoft était en vente en Amérique du Nord. La suite du Xbox qui a été un succès énorme. Le 23 novembre, en 1889, la première machine Nickel in the Slot Player qu'on appelait, donc un 5 cents dans une fente, a été installé au Palais Royal Saloon à San Francisco. C'était le premier jukebox. Jusqu'à 4 personnes pouvaient mettre une pièce de monnaie, mettre des écouteurs et écouter un disque qui jouait sur un phonographe Edison Class M. C'était en 1889. En 1963, à 17h16, la BBC a passé pour la première fois sa nouvelle émission de science-fiction familiale Doctor Who, avec le premier épisode An Unearthly Child. En 2004, Blizzard lançait World of Warcraft, qui allait devenir un des plus gros MMORPG, donc les Massively Online Multiplayer Role-Playing Game, patente les jeux de rôle massivement multijoueurs et en ligne. Voilà. Ouf. On dirait que je l'ai plus en français qu'en anglais, celui-là. Le 24 novembre, en 1932, le FBI Scientific Crime Detection Laboratory, qui s'appelait à l'époque le Technical Crime Laboratory, donc le laboratoire du crime technique, a ouvert pour la première fois à Washington, D.C. C'était choisi à cet endroit-là parce qu'il y avait un lavabo et son seul et unique employé, l'agent Charles Apple, a dû emprunter un microscope. En 1998, AOL annonçait qu'ils allaient acheter Netscape Communications, fusionnant donc les deux des plus grands noms d'Internet, voilà. Et en 2014, des attaquants se nommant les gardiens de la paix, Guardians of Peace, ont hacké les systèmes, les réseaux internes de Sony Pictures Entertainment, volant des données, effaçant des données et plaçant des messages et des images d'un squelette rouge sur les ordinateurs de la compagnie. Donc ça, c'était en 2014. 25 novembre. En 1816, la lumière du gaz a illuminé le Chestnut Street Theater de Philadelphie, améliorant donc une innovation qui venait de Londres. À la place du charbon, le gaz était utilisé réduire les vapeurs malodorante causée par la création précédente. On va y aller avec la prochaine le 26 novembre. On était rendu au 26 novembre. Absolument pas. On va y aller avec la prochaine encore. Tiens, 27 novembre. Je saute plein d'affaires. En 1995, les trucs spatiaux m'intéressent vraiment pas. 27 novembre 1995, Microsoft sortait Internet Explorer 2.0. Parlant en bien de son aspect vie privée, son encryption, et ça a évidemment continué la guerre avec Netscape à l'époque. Ensuite, allons-y avec le 28 novembre. Pour la première fois, une presse à la vapeur automatique a imprimé le Times à Londres. Les inventeurs allemands Friedrich Koenig et Andreas Friedrich Böhler ont construit cette presse-là. Le Times a rapidement dit qu'il n'allait pas renvoyer de personnel, mais à la place augmenter l'impression, ce qui allait amener le journal à un plus grand public. Le 29 novembre, en 1910, le premier brevet américain pour un système de signalisation du trafic donc était donné à Ernest E. Serine. Ça passait donc, ça allumait une pancarte illuminée avec le mot « stop » et le mot « proceed ». Donc c'était l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui, les lumières rouges et vertes. En 1972, Nolan Bushnell a installé une arcade opérée par pièces de monnaie dans la taverne de Handicap à Sunnyvale en Californie. Donc ça jouait seulement le jeu Pong de Alan Alcorn. Et en 4 mois, il y en avait 10 000 partout au pays. Ça, c'est ce qu'on appelle faire fureur. En 1974, le numéro de janvier de Popular Electronics a été publié, mettant en vedette le Altair 8800, un micro-ordinateur de Micro Instrumentation Telemetry Systems à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, sur la couverture. Pour $439, on pouvait avoir tout ce qu'il nous fallait pour construire un ordinateur dans un seul kit avec 256 bytes de mémoire. Et finalement, pour le mois de novembre, le 30 novembre... En 2006, Microsoft sortait Windows Vista pour utilisation professionnelle. Vista améliorait la sécurité de Windows XP, mais a été critiqué pour plusieurs autres choses et n'a jamais réussi à rivaliser avec Windows XP en termes d'adoption. Voilà, absolument pas. Tiens, je pense que c'est intéressant, c'est aussi en 1955, un jeune de Colorado Springs a mal composé son téléphone, sur son téléphone, où il y a un mauvais numéro. Bref, il posait une question au Père Noël, il a accidentellement appelé le Combat Operations Center de la Continental Air Defense Command. Donc, le commandant colonel Harry Shoup a dit à l'enfant, « Il y a peut-être un gars nommé Père Noël au pôle Nord, mais je ne me soucierai pas de ce qui s'en vient de cette direction-là. » Je pense qu'il faisait référence à quelque chose de comment dire, un petit peu plus violent. Hein? Du Nord qui s'en vient. Ça, c'était en 1955. Voilà pour le mois de novembre dans cette Fait Tech Edition. Maintenant, on retourne en chiptune avant de passer au mois de décembre et de janvier. D'après moi, avec une demi-heure restante à l'émission, on devrait avoir le temps de passer à travers pas mal tout ça. Donc, allons-y avec l'artiste Jakeem, qui nous présente sa pièce Choiceless. MPS, le Mathieu Plante Show sur CIF. Visitez cifou.ca. Thank you. c'était Yeah, Maybe I Guess par TLG Chiptunes, précédé d'une autre courte pièce, celle de MC Jimmy, Soul Swing, et avant la pause, on a entendu Choiceless par Jakeem. Oui, trois pièces dans un seul bloc, c'est du chalabu! Maintenant, on continue avec un autre bloc de C'est un fait, Tech Edition, et je vais encore devoir chanter, je sais, oh, j'aurais pas dû faire ça. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, Tech Edition! C'est un fait, Tech Edition! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, Technician, la chronique où on parle de ce qui s'est passé dans l'histoire à travers le temps. Et tantôt, on a fait le mois de novembre, parce que oui, on n'a pas fait cette chronique-là depuis le mois de novembre. Que voulez-vous, hein? Je préfère faire du contenu autre que ça. Hein? Des fois, je prends du retard. Donc voilà, arrivé en décembre. Hein? Et comme je l'ai dit tantôt, je le fais un peu à la volée aujourd'hui. En 1977, Time Warner lançait Cube à Columbus, en Ohio. C'était le premier système de câble interactif à double sens, donc au lieu d'être sens unique, c'est des deux sens. Une de ces chaînes s'appelait The Pinwheel, et qui plus tard, ça allait être relancé sous le nom de Nickelodeon. Donc ça, c'était en 1977. Mm-hmm. En 1913, Henry Ford a ajouté une ligne d'assemblée de châssis pour produire la Model T à son usine du Michigan à Highland Park. C'était... la gloire pour eux, ils essayaient d'augmenter l'efficacité et la production de leur voiture. Donc ça, c'était en 1913. Le 2 décembre, c'est pas mal de choses, des choses d'histoire, je pense, le 2 décembre. On vient avec le 3 décembre. Tiens, le premier message texte en 1992 a été envoyé sur le réseau Vodafone au Royaume-Uni. À partir d'un PC jusqu'à un appareil mobile, le message était « Joyeux Noël, Merry Christmas ». En 1994, la Sony PlayStation, console de jeu, bien sûr, a été vendue pour la première fois au Japon. Mm-hmm. En 2001, à Bryant Park, à Manhattan, l'inventeur Dean Kamen a dévoilé son projet secret avec un nom de code Ginger. Steve Jobs disait que ça pourrait causer que les villes soient réimaginées, qu'on refasse l'architecture des villes, tellement c'était majeur. C'était le Segway, le transporteur personnel, qui est devenu évidemment populaire, surtout à cause des policiers de centre d'achat et les facteurs, les employés de chez Canadian Tire, c'est pas mal les seuls qui utilisent des Segways. Le 4 décembre, ensuite, encore beaucoup de choses d'espace. Hein? En 1985, tiens, le Cray XMP-48 a commencé ses opérations au centre San Diego Supercomputer Center. Ça a presque doublé la vitesse des autres machines avec un système de processeurs en parallèle qui fonctionnait à 420 mégaflops. C'est majestueux. Le 5 décembre, en 1901, le physicien Werner Heisenberg est né. On connaît peut-être pas, oui, sa position précise et son momentum précis en même temps, mais on sait qu'il est né à Würzburg, en Allemagne. Voilà, c'est un physicien. Werner Heisenberg. Le 6 décembre, en 1877, Thomas Edison a testé sa nouvelle invention, le phonographe, en enregistrant les premières lignes de son poème Mary Had a Little Lamb. Pas son poème, c'était le poème. Il aurait créé l'événement en 1927, donc c'était le phonographe. Le 7 décembre, tiens. En 1963, CBS a diffusé une partie de football collégial entre l'Army et la Navy, donc l'Armée et la Marine. Voilà. C'était la première fois qu'on utilisait une reprise instantanée en vidéo pendant une diffusion de sport. Certains gens ont appelé pour se plaindre parce qu'ils étaient confus, ils comprenaient pas, ils pensaient qu'il y avait un problème avec leur télé. En 1999, la Recording Industry Association of America a poursuivi Napster, qui avait 6 mois à l'époque. L'industrie a refusé de régler ça à l'amiable, s'assurant donc que les ventes de musique numérique... C'est ça. On va juste arrêter là, je pense. C'est ça. On a poursuivi Napster. Je lui avais dit qu'aujourd'hui, je faisais à peu près n'importe quoi. Cette chronique-là, ça reste intéressant. En 1993, le secrétaire de la Défense américain a déclaré que le système... GPS a déclaré que c'était un système à double utilisation. Donc, on a ouvert le système de positionnement standard, donc le Standard Positioning System, on l'a ouvert aux civils. Et puis, on avait aussi le Initial Operation Capability, donc ça a donné la précision de 9 mètres. À l'horizontale, on pouvait être précis à l'intérieur de 9 mètres dans le système GPS. Donc, ça, c'était pour le 8 décembre. Ensuite, le 9 décembre. Microsoft sortait en 1987 Windows 2.0. Tout plein d'améliorations, entre autres, ça pouvait faire fonctionner les premières versions de Microsoft Word et Microsoft Excel. Les premières versions sur Windows de ces deux logiciels, c'était en 1987. 10 décembre, ensuite. En 1993, John Carmack et ses amis chez id Software ont sorti le jeu vidéo Doom. Ça a lancé évidemment des millions de mods et ça a fait des shooters à la première personne la forme dominante de jeux vidéo pendant plusieurs décennies. Le 11 décembre, ensuite, c'est en 1910, George Claude, la première personne à avoir appliqué une décharge électrique à un tube scellé de gaz de néon. C'était donc la première fois qu'on montrait une lampe au néon au public au Paris Motor Show. Le 12 décembre, en 1980, on a commencé à offrir l'indice boursier de Apple, tiens, on l'a offert en vente pour la première fois. Au Massachusetts, on empêchait les investisseurs individuellement dans chaque état d'acheter cet indice en bourse parce qu'il était trop risqué. En 1991, Paul Koontz a installé le premier site web en Amérique du Nord. Ça cherchait, c'est en fait un engin de recherche, si on veut. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Mais bref, ça fait, on pouvait chercher de la littérature, donc des livres sur la physique particule. Voilà, c'était à l'université à Stanford. 13 décembre. En 1977, un jeune Bill Gates était arrêté pour un problème de conduite à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ça a amené à une des photos les plus connues de tous les temps, le célèbre mugshot de Bill Gates. Si vous cherchez Bill Gates mugshot sur Google, vous allez certainement trouver ça assez rapidement. Ensuite, en 1977, Robert Metcalfe et ses amis ont reçu le brevet pour Multipoint Data Communication System with Collision Detection. Donc, c'est un système de communication de données multipoints avec détection de la collision. On appelle ça maintenant l'Ethernet. Le 14 décembre, des trucs de naissance, des trucs d'espace, ça m'intéresse pas tant que ça. 15 décembre, en 1994, Netscape a offert pour la première fois la version 1.0 de son furteur Netscape Navigator, ou browser, bien sûr. Ensuite, le 16 décembre, ça avance. En 1935, un article de Time Magazine décrivait l'utilisation de la rétine, dans le fond, de certains trucs dans la rétine pour identifier les gens par leur empreinte d'œil. Donc, la biométrique est née en 1935. En 2002, Creative Commons a été formellement lancé. Ça a donc révélé ce qu'on appelle Machine Readable Copyright Licenses, ces petits icônes qu'on voit en dessous des sites qui disent qu'on peut partager, qu'on peut modifier, qu'on peut en faire des dérivés de différentes choses. Donc ça a commencé en 2002. Voilà. Le 17 décembre... en 1880, l'Edison Electric Illuminating Company de New York a été incorporée pour installer donc une station centrale à New York City qu'on appelle Con Ed. Ensuite, en 2012, le W3C a annoncé qu'ils avaient complété leur définition de HTML5. Et en 1997, John Barger a inventé le terme weblog pour décrire une liste de liens sur son site Robot Wisdom. Peter Merrills a plus tard raccourci weblog en simplement blog. Le 18 décembre, démonstration de la première lampe électrique par Joseph Swan en 1878 à la Newcastle Chemical Society au nord de l'Angleterre. Son ampoule a brûlé pendant environ 40 heures. Plus tard, les ampoules d'Edison allaient brûler pendant presque 150 heures. En 1987, Larry Walt a sorti pour la première fois le langage de script Perl. Plus tard, ça a été utilisé par les administrateurs système. C'était un des langages dominants du web. En 1997, HTML4 a été recommandé et publié par le World Wide Web Consortium, le W3C dont on parlait il y a quelques instants. Ça offrait donc différentes variations strictes et transitionnelles et ça a enlevé plusieurs tags visuels de Netscape qu'on a remplacés par le CSS, des termes techniques ici. 19 décembre. Ensuite, en 1958, la première diffusion radio de l'espace a été transmise. Le président américain Dwight Eisenhower a parlé sur un message préenregistré à bord du satellite Project Score Experimental Satellite. Voilà. C'est le fun d'avoir de la redondance ou des backups, hein, parce que le premier enregistrement a échoué, le deuxième, le backup, a fonctionné, c'est ce qu'on a entendu. En 1999, Time Magazine annonçait que Jeff Bezos, le CEO, le Chief Executive Officer, le haut placé directeur général de Amazon, était sa personne de l'année. Le magazine a cité le magasinage en ligne et la folie du .com parmi les raisons. C'était en 1999. Le 20 décembre, ensuite, en 1880, Broadway à New York, entre la 14e et la 26e rue, a été allumé pour la première fois par l'électricité. On a commencé à nommer ça The Great White Way, le grand chemin blanc. Ensuite, en 1951, en Idaho, l'Experimental Breed Reactor No. 1, aussi connu sous le nom de EBR-1, est devenue la première usine d'électricité à produire de l'électricité avec de l'énergie atomique. Ça a pris 2 ans après pour prouver qu'on pouvait créer plus d'énergie que ce que ça consommait. Voilà. En 1996, Apple annonçait qu'ils allaient acquérir ou acheter Next Computer et ramener le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, est revenu dans la compagnie qu'il avait quittée en 1985 grâce à cet achat-là. 21 décembre. En 1898, on a commencé, l'équipe mari et femme de Pierre et Marie Curie ont découvert le radium. Voilà. En 1937, le premier film animé long-métrage de Walt Disney, Snow White and the Seven Dwarfs, donc Blanche-Neige et les Sept Nains, a débuté à Los Angeles, durée de 83 minutes. C'est aussi le premier film animé à avoir été produit en couleur. Le 22 décembre, en 1882, Edward H. Johnson de la Edison Illumination Company a mis un fil de courant avec des lumières rouges et des lumières bleues sur son arbre de Noël. C'est devenu la première personne à faire des lumières de Noël. Hein? En installer, si on veut. En 1885, un brevet pour ce qu'on appelle Gravity Switchback Railway. Un genre de, je dirais, rail avec effet de gravité, hein, a été donné à Lamarcus Thompson de Coney Island, New York. Bref, c'est ce qui a mené vers les manèges, les roller coasters, vous savez, les grands manèges qui font des roues. Là. Donc, c'est ça. Ensuite, le 23 décembre, en 1947, John Bardeen et Walter Brattain ont montré pour la première fois leur nouvelle découverte, le transistor, au laboratoire de Bell Laboratories à Murray Hill, New Jersey. William Shockley, qui avait contribué à l'invention, a manqué la présentation, le taquin. 24 décembre, en 1955, l'Associated Press a sorti une nouvelle. En fait, ils ont prêté leur nouvelle. T'sais, les gens peuvent prendre des nouvelles sur un fil de presse, disant donc que le Père Noël se faisait garantir un passage sécuritaire jusqu'aux États-Unis. L'histoire disait, dans la nouvelle, que CONAD, l'armée, la marine et les Marine Air Forces allaient continuer à surveiller Père Noël et le protéger sur son traîneau pour son voyage aux États-Unis. Hein, n'est-ce pas magnifique? En 1968, l'équipe d'Apollo 8 a livré un message en direct télévisé la veille du jeu de Noël. C'était donc les premiers humains à être en orbite, à faire un message en direct à la télé. C'est bien ça? Non, après être devenus les premiers humains en orbite. Voilà, c'est ça. Ça devait être aussi par le fait même, si on y pense, les deux vont ensemble. Ensuite, en 2014, Sony sortait le film The Interview via Google et Microsoft, et dans certains cinémas limités, la sortie du film avait été annulée après des menaces. Évidemment, on se rappelle de ce qui s'était passé en Corée du Nord à ce moment-là. Ensuite, le 25 décembre, en 1741, intéressant, c'est à Uppsala, en Suède, Anders Celsius a utilisé pour la première fois un thermomètre de l'île qui avait marqué avec 100 gradations entre le point où l'eau bouillait et le point où l'eau congelait. C'est la première fois qu'on utilisait l'échelle centigrade, qui est tellement logique par rapport au Fahrenheit. En 1959, Sony a annoncé la première télévision, l'appareil, donc la TV 301, basée sur la technologie des transistors, et elle allait être vendue au Japon en mai suivant. Alors, en 1990, Tim Berners-Lee, avec l'aide des scientifiques du CERN, dont on parlait tout à l'heure, Robert Caillot et d'autres, ils ont installé la première communication à succès entre un furteur web et un serveur via l'Internet. Le 26 décembre, Edwin Armstrong, en 1933, a reçu un brevet pour sa méthode d'élimination de la statique dans une diffusion radio en utilisant ce qu'on appelle la modulation de fréquence. Hein? Frequency Modulation, FM, comme dans la radio FM. Il a donc vendu sa technologie à plusieurs compagnies, et ensuite on a embrassé la technologie FM, on étant ceux qui faisaient des stations de radio, sans sa permission. Il a passé presque toute sa vie à se battre en cours pour réussir à avoir son argent. En 1982, Time Magazine, évidemment, le numéro du 3 janvier était en kiosque avec l'ordinateur sur la couverture. C'était la machine de l'année, non pas l'homme de l'année. À l'époque, c'était tout le temps Man of the Year, maintenant c'est Person of the Year. C'était le premier non-humain à avoir les honneurs depuis que le concept de Man of the Year a débuté en 1927 avec Charles Lindbergh. 27 décembre. En 2007, Warner Music Group est devenue la troisième étiquette majeure de musique à commencer à vendre des MP3 sans verrou numérique, sans DRM, via le site de Amazon.com. 28 décembre, en 1886, Josephine Garis Cochrane de Shelbyville, en Illinois, a reçu le premier brevet américain pour un lave-vaisselle commercialement. Donc, un succès commercial. La vaisselle allait dans des compartiments, dans une roue qui tournait à l'intérieur d'un comment dire? Ça dit copper boiler, donc quelque chose qui fait bouillir, mais en cuivre. Copper. Sa compagnie est éventuellement devenue KitchenAid. En 1895, la première présentation commerciale du célèbre cinématographe, du Lumière cinématographe, s'est passée à l'intérieur du salon indien du Grand Café de Paris. Les personnes qui étaient invitées pouvaient voir 10 films. En 1969, à Helsinki, en Finlande, Nils et Anna Torvalds ont donné naissance à leur fils Linus, lui qui a commencé à travailler sur le Commodore de son grand-père, le Commodore VIC-20. Ça, c'est le nom de l'ordinateur et pas du grand-père. Hein? Finalement, il a plus tard développé le système d'exploitation Linux. Allons-y avec le 29 décembre. En 1949, la station de télé KC2XAK de Bridgeport au Connecticut est devenue la première station de télé UHF, donc Ultra High Frequency, à opérer avec un horaire quotidien. En 1952, le premier appareil qui va dans les oreilles pour aider à l'écoute, bref, pour les personnes qui ont des problèmes d'audition douée. Donc, le premier son qui utilisait un transistor, Junction Transistor, a été vendu pour la première fois. C'était le modèle 1010 de la compagnie Sonotone Corporation à Elmsford, New York, aux États-Unis. Voilà. Ensuite, le 30 décembre, on approche la fin de l'année avec... Enfin, on va l'approcher encore plus. Non, OK, j'en ai un qui est intéressant. En 1873, plusieurs hommes à New York ont fondé l'American Meteorological Society. Donc, ils pensaient changer le système britannique en système métrique. Ils pensaient qu'on avait besoin de ça dans les nations civilisées. Plus de 100 ans plus tard, ils sont morts et les gallons, les miles et les Fahrenheit sont toujours les principales façons de parler aux États-Unis. Et le 31 décembre 1923, les cloches du Big Band ont été diffusées à la radio pour la première fois par la BBC. Ça a débuté une tradition du Nouvel An, donc ça c'était en 1923. En 1938, les policiers d'Indianapolis ont mis le drunkometer du professeur de l'Indiana University, Rolla Harger. Donc son drunkometer, on l'a utilisé pour la première fois, en tout cas pratiquement, lors d'un test au réveillon du jour de l'an. C'était donc un breath analyzer, donc une analyse de la laine. Les personnes qu'on pensait saoules devaient souffler dans un ballon et l'air était mélangé avec une solution chimique qui devenait sombre, puis il y avait d'alcool présente. Et ensuite, le breathalyzer plus portable a remplacé le drunkometer en 1958. Et finalement, en 2001, Microsoft annonçait que c'était... Ben, pas annoncé. C'était la dernière journée, en fait, du soutien technique pour Windows 95. Donc, il était dorénavant, à partir du 31 décembre 2015, obsolète. Windows 95, selon leur politique qui s'appelle Microsoft Life Cycle, après seulement 6 ans. Voilà, c'est la fin de Windows 95 en 2001. C'est tout pour cette portion de C'est un fait Egalation, et en fait, ça va être tout pour, en général, pour l'émission d'aujourd'hui, parce que, Colin, on a fait les mois de novembre et de décembre de C'est un fait Egalation, et plus tard, une autre semaine, probablement dans deux semaines, on pourra terminer avec le mois de janvier, puis on entamera peut-être même le mois de février, mais je ferai pas de fausses promesses, parce que, comme je disais, c'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 14h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et au Palmarès C'est fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Dans quelques minutes pour les auditeurs du mercredi, ce sera l'émission Audiomatique. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté et on se quitte avec un remix de la chanson thème de The Office US par Mills DJ. À la semaine prochaine. Bye bye.